Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Les filles, Jasmine, Justine, Justine, Jasmine. Oui, c'est nous. C'est le moment de... Qui veut s'essayer? C'est le moment du défi. Des meilleurs moments... Je sais jamais comment on appelle ça, mais les meilleurs moments de... Est-ce que tu veux que je le chante à la place? Un instant. Vas-y. Je vais le chanter. Oui, c'est ça. Voici les meilleurs moments d'assemblage Rocky. Ah, c'est vrai, il y a un deuxième bout, attention. C'est qui déjà qui a fait ces musiques-là? Je pense que c'est un certain Mathieu Plante. C'est moi, je devrais savoir que j'ai mis un deuxième bout. Là. C'est le meilleur moment d'assemblage Rocky pour la semaine du 16 janvier 2012. Assemblage Rocky aussi gage de qualité. Tu l'as dit. C'est ça. Faire l'animation, mais au moins musicalement, quand on en joue, on essaye de mettre de la bonne musique. OK, ta gueule. Lendemain d'une grosse victoire à Snout. Ah, à Snout, c'est quoi la Snout? Ok, Bottine. C'est donc bien lettre comme nom, ça, la Snout. Ouais, je sais pas de où ça vient, mais. Les gars appellent ça comme ça. C'est ça, ça vient dans quelque part de brun, mettons. Puis j'avais mon premier cours de la session hiver 2012. Cours évidemment de. Ouais, vas-y. Ça, là, le cours de. Psychologie industrielle. Psychologie industrielle. Et puis, hey, mon prof, en tout cas. Profession au micro. Parle pas fort, là, c'est Charles Boudou. Hey, mais il ressemble tellement à Guillaume Lepage, pour vrai? Dans une parodie de RBO. Il a la même voix, il ressemble tellement à. Sérieux, je riais juste trop. Ah ouais, pour vrai? Je n'aimerais pas. Non, c'est ça. Snout, j'ai pas joué hier, on avait une partie de cédulé. Là, attends, on rappelle que la Snout, c'est une partie de le sport. Là, vas-y, vas-y, je te laisse aller. Balle molle. Hein? Non. ballon chasseur. Balle molle. Ping-pong. Billard. Non, non, hockey patine. Oui, mais il est tellement pourri qu'il ne remarque même pas. François, mais merci, ça, merci. C'est pas nouveau. Hein. Bon. Mais si c'était pas de ça. Il est bien fin. On apprécierait pas autant. Oui, il est tellement fin. Il est fin. Je suis attaché. C'était la dernière chronique de Myriam Fugère. Ben, ouais. Elle est vraiment beau ton foulard, hein? Hey, c'est supposé être émouvant comme moment pour ouais, parle du foulard de Gérard. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Écoute, ben, on... en fait, je m'en vais faire de la radio, mais avec Omo. Donc, c'est ta formation. C'est ouais. Ma formation, donc je commence mon métier dans ma formation. Alors, carrière qui va devenir grandiose avec le temps. À checker bien ma face des autobus. Mathieu, mercredi aujourd'hui, c'est ma dernière émission de la semaine. Oui, je sais. Wouhou! Wouhou! Ben, en effet, je devrais commencer mes wouhou avant toi. Ben, toi, tu vas en suivre, c'est encore plus. Ah, ouais, c'est formidable. François Marchand est en congé, donc Jasmine Raymond-Dréville avec nous. Bonjour. Oui, bon matin. Applaudissements, et tout le monde capote, le public en studio est en délai. Oui, ça va, Jasmine? Oui, ça va super bien, je cherche le public. C'est vraiment partout, t'es rendu superstar. À Trois-Rivières. Ouais. Ici, en tout cas, dans la pièce. C'est ça. Je suis une star. T'es la personne la plus appréciée par les gens qui sont dans le studio. Oh! J'espère que tu dis pas ça à tout le monde. Non, juste à toi. Oh. Mais le bacon, c'est tellement une mode. Oui, je sais. C'est vraiment. C'est l'auto, comme là. Bieber. Je sais pas, ouais, sauf que. Ah oh, non, rien. Il est pas aussi cuit que... Non, je comprends pas. J'allais dire, ça goûte moins bon. Sur l'ordinateur du collimateur en ce moment, en train de trafiquer des choses, je pense. Faut pas le dire, mais je pense qu'ils sont pas encore à l'écoute à cette heure-ci, les gens qui ont changé les fonds d'écran pour des filles... Je me trouve bien drôle. Oh oui, qu'est-ce des chicks. Oh, ben c'est des chicks, chicks peu habillés. C'est presque réussi, mais là, il faut que je le réajuste parce que j'ai la face étirée. C'est bon, fais-moi. Premièrement, c'est une photo de Jasmine elle-même. Superbe figure. Bon, ça dit dans sa bulle. Bon, avez-vous fini avec vos photos de chicks? C'est ça. Bon, hey, wow, hein? Voilà. Ah, c'est bon. Bravo. J'espère au moins que je vais les faire rire. Oh, oui. Simon Fitzbé. Hey. Ouais. Hey. Allô? Je suis en train de dégeler de la face. Fais des exercices de bouche. Jésus soupa chez Zachée, Zachée soupa chez Jésus. Ah, tu vois. Raté dès le premier coup. Hein? Ouais, piano, panier. Il manque papier, panier, piano. Tu es malade, toi. Oui, effectivement. C'est alors, pas trop. Et notre collègue Danny Janvier nous a fourni un petit titre avec des blagues à la carambar. On pourra peut-être en glisser une coupe dans les palmarès. Ça va être très bon. Non, ils sont pas drôles. Arrête donc. Les jeux de mots sont du même genre que ceux que Mathieu nous offre habituellement. Ah, l'école de l'humour Mathieu Plante. Oui, si c'est drôle, ça ne vient pas de l'école de l'humour Mathieu Plante. panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Dans quel ordre? Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. C'est un mot de trop. Ouais, c'est ça. Tu sais que Jasmine a animé un jour dans la semaine et je crois que tu as fait la moitié plus des meilleurs moments. Fait que, ça veut dire que tu es une meilleure plus top auprès de notre audience ici en studio. Ou que je parle beaucoup trop. Ben, il y a ça aussi. Oui, c'est et ça. Et tu fais des affaires sur les ordinateurs des autres. Ouais. Ouais. Ouais. Ça a été un succès, hein? Ça a duré une heure, je pense, ton arrière-plan. C'est maintenant plus ça. Oh mon Dieu, une heure, c'est bon ça. Moi, je change à chaque 5 minutes, là, question de ne pas être passé date. Tu sais, on se tanne vite, les filles. C'est ça. C'est pour ça le la face de Jasmine, tu ne t'annerais pas, ça. Hein? Non, ah non, mais ça, non. Je les comprends quand même. Mais ils ont mis leur chicks et j'ai mis d'autres choses. C'est quoi ton autre chose? Ah, tu veux garder la surprise cette fois-ci? On a fait la gaffe ce matin, c'est ce matin qu'elle a fait ça, Jasmine, changer son fond d'écran. Et puis, on l'a mis sur Facebook parce qu'on voulait le montrer à notre auditoire de nombreux millions. Et puis, les gens qui changent les fonds d'écran s'en sont rendus compte parce qu'ils sont sur Facebook, ça. Fait qu'ils n'ont pas eu de surprise en arrivant en studio. Non, mais ça serait rendu compte quand même en voyant l'ordinateur. Sûrement! Oui, ils ont des yeux, là. La plupart de nos animateurs ont en effet écoute, des yeux. Ne généralisons pas. Non, là, c'est pas on tout écoute tout le monde. Qui a des yeux. Tout à fait. Que vous, peu importe le nombre de membres que vous avez, de différents attributs physiques, on vous aime tous. Oui, même les gingembres. Oui, on les aime beaucoup. Blague interne sur Martin Deschamps, super. Bon, on continue. Hey! Hein? On continue. Donc, vous êtes toujours au palmarès, c'est fou. Évidemment, ce qu'on vient d'entendre, les meilleurs moments d'assemblage requis, ben, c'est du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Hein, au complet, l'émission au complet, c'est des meilleurs moments. 7h à 9h. Oh oui. Les marchands, moi, oui. Ah non, c'est super. Pas. Oh, c'est super. Hein. C'est parfait, ce bumper à bumper dedans le freeze jar à minus 30 degrees Celsius. Sur ton galloper, hein? Sur le galloper. Sur le galloper. Bon, ben, merci pour dans l'arbre à canne. Tout ce que tu apportes, Justine, à cette présentation. Oh, ça me fait plaisir. Mes condoléances. Ben, joyeuse fête. Hey, c'est votre vieux chummy Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est fou. Passez nous voir, on a pour tous les goûts ici dedans. Il y a du francophone puis de l'anglophone, mais aussi les meilleurs moments d'assemblage requis, les trouvailles de Justine. Hey, je te niaise pas, je suis en train de virer fou. Encore plus fou, là. Les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Les jeudis, de 14h à 17h. Vendredi, 17h ou lundi à 13h. Puis retrouvez donc les notes de l'émission puis les balados, c'est ça, balado-diffusion sur assemblagerequis.com. C'est pas sur Internet, cette affaire-là, encore les niaiseries, hein? Tu es en train de me voler ma clientèle, cette affaire-là. En tout cas, je suis crazy, crazy, crazy!